demande à Pio Ben, demande à Saud, demande à Card, demande à Wassi, mes boys écroués. Nasio à la pointe, ça te cambute, ça parle pas, ça bras grâce à tap, caché coup, Jules, ça rap sale. Dans le rap au milite, mec, ça coupe le shit au millimètre. Et dans la cave, ils veulent quoi? Ils veulent tous le 9 mm. Pas dans le délire de bande de barrettes, y'en a déjà marre de voir les chemises dans les parages. On voudrait tous se faire le bec et leur dire bon débarras. Et venez un peu par là, y'a bon à la pente, va toucher un morse. Il te mettra le cerveau sous liste d'attente. Derrière des jeux, on se plante, mais à haute vitesse, nous on se plante pas. Que ce soit devant ta mère ou devant l'OPJ, moi je me manque pas. Et ouais, c'est la merde, y'a le petit cousin Zonz. De le PM au compte, s'il faut que ce putain de son résonne, mec. Derrière des jeux, on se plante, mais à haute vitesse, nous on se plante pas. Que ce soit devant ta mère ou devant l'OPJ, moi j'ai passé mon temps à voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée. Moi j'ai passé mon temps à voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée. On vit la dèche avec mes hommes, ça parle de calage dans les hommes. Mais qui a les couilles d'appuyer pour ensuite pouvoir prendre le trône. Un petit capa sous le ghetto, ça porte le flingue au Mal Capone. Tu cherches la merde, ben viens on se donne dès le premier coup, faut que je te sonne. T'as fait ton tête, c'est bien, mais t'as fini sous minère. C'est là c'est pour les vrais, ça écoute du tout jusqu'au petit séminaire. Ici, nous on n'a pas besoin des grands pour rouler en location. Pour régler des embrouilles, faire respecter par des matons. Mais attends, je suis pas con, je rappe ma génération. T'as la sion, là c'est d'être passé, t'as les barrettes dans le caleçon. Je veux pas me faire passer pour un autre, je fais mon petit rap, j'ai mon succès. Si j'aurais pas eu ça, j'aurais arrêté, j'aurais pas sucé. À voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée. Moi j'ai passé mon temps à voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée. Moi j'ai passé mon temps à voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée. Moi j'ai passé mon temps à voir les gens m'engrainer, voir les gens m'entraîner, mais ça m'a mis dedans. Maintenant je fais que traîner, la routine s'est traînée.